sois élevé, tu glorifies Jésus. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Tu as commencé avec nous cette convention. Tu as cheminé avec nous et aujourd'hui tu veux terminer avec nous, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi toute la plénitude des choses que tu as réservées. Nous voici comme des vases vides. Nous avons besoin d'être remplis de toi, Seigneur, équipés par toi. Merci pour tout. Accorde-nous ta grâce encore dans ce deuxième culte. Ton esprit, ton onction, ta puissance, ta parole, ta révélation, illumine les yeux de nos cœurs et fais-nous du bien dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est digne de régner. Acclamé. mérite des acclamations. Que soit rendu les belles paroles. Oui, des acclamations. La célébration, l'honneur, la puissance, la magnificence. À toi seul, pas à moi, pas à qui que ce soit, mais à toi seul. À toi seul, à toi seul, l'agneau. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Jésus. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Merci pour votre présence. Merci au pasteur, au couple pastoral. Le grand travail, le merveilleux travail que Dieu accomplit. Merci à tous les comités. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment très honoré, très béni de passer tout ce temps ensemble. Nous avons été richement bénis depuis le commencement. Nous sommes en train de parler de entre les mains du divin potier. Le premier jour, nous avons parlé de ce divin potier, de ce Dieu qui a une vision, a un rêve pour chacun d'entre nous. Et autant que nous ne sommes pas chacun d'entre nous est dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu, et Dieu a un rêve pour chacun, des grandes choses qu'il veut réaliser, des grandes choses qu'il veut accomplir, et que chacun de nous devait se placer entre ses mains. Dieu avait donné une parole à Jérémie d'aller, de descendre à la maison du potier, et là il devait lui faire entendre ses paroles. Et Jérémie arrive. Et Jérémie voit et observe un potier qui était là assis en train de faire, de confectionner le vase. Le premier vase n'avait pas réussi, mais le deuxième vase qui a été refait avec la même, le même matériau, ce deuxième vase va réussir. C'est comme pour dire que Dieu est un Dieu qui amène toujours toutes choses à la réussite, même si nous arrivons à échouer. Dieu, entre ses mains, va nous amener à la réussite. Et nous avons parlé de cette importance de se laisser entre ses mains le divin potier qui a une vision, un rêve, des projets. Et le deuxième jour, nous avons pu parler de l'argile qui est ce matériau que toi et moi nous sommes, le choix de Dieu pour être transformé, malaxé, en vue de recevoir la forme que Dieu lui-même veut. Et on a parlé que cette argile était le choix de Dieu. Il y avait différentes sortes d'argile que Dieu avait cherché. Et quand il te cherche, il te trouve. Et à partir de ce moment-là, il peut commencer à accomplir ses desseins à ton égard. Et nous sommes l'argile, nous sommes le choix de Dieu pour accomplir sa mission, pour accomplir sa volonté. Personne n'est venu sur cette terre pour accompagner quelqu'un. Nous sommes venus chacun pour accomplir la mission divine, et Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Tu es dans le plan de Dieu, tu es aimé de Dieu, et Dieu veut accomplir quelque chose avec toi. Ainsi, ne te trouve pas comme inutile, mais trouve-toi plutôt comme quelqu'un d'utile entre ses mains, et afin de laisser Dieu lui-même te donner la forme qu'il veut. On a parlé de ce choix-là. Comment est-ce que ce choix était un choix de grâce et de miséricorde? Et comment est-ce que ce choix, si Dieu te choisit, où que tu sois, donc peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, sa grâce viendra dans ta vie pour t'emmener là où Dieu veut t'emmener. Nous arrivons là où Dieu veut que nous arrivions, non parce que nous le voulons nous-mêmes, mais parce que lui-même l'a voulu. C'est comme pour dire qu'entre ses mains, nous sommes en sécurité. L'argile entre les mains du potier ne peut qu'être en sécurité parce que le potier, le divin potier, sait lui-même ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Et le troisième jour, nous avons parlé du travail que le potier va commencer à opérer, à faire dans la vie de l'argile. Un travail de transformation. Et on a vu que ce travail de transformation est un travail qui commence d'abord à l'intérieur. Qu'est-ce que le potier va faire? Il va prendre de l'eau, il va le jeter sur l'argile, l'eau qui est l'image de la parole de Dieu. Et à partir de là, il va commencer à enlever les saletés, les impuretés. Nous avons parlé de ce travail de circoncision de cœur, de cette opération, de cette chirurgie dans le cœur. Dieu ne travaille jamais à l'extérieur, il commence toujours à travailler dans l'intérieur de nos vies, de nos cœurs. Il commence d'abord à nous changer de l'intérieur. Parce que si l'intérieur est changé, transformé, cela aura des répercussions à l'extérieur. Voilà pourquoi il prend son temps. Pendant que tu ne comprends pas les choses qui se passent, lui, au travers de sa parole, il agit, il travaille, il enlève les saletés, il enlève les impuretés. Il veut préparer cette argile, que cette argile devient malléable, cette argile devient pure entre ses mains. Nous avons parlé de l'importance de la sanctification. Nous avons parlé de l'importance de laisser Dieu arracher des mauvaises choses en nous, les idées du monde, les pensées du monde, enlever les mauvaises cultures. Et sans cette activité divine, Dieu agit dans le fait d'arracher, de détruire, d'abattre et de ruiner beaucoup de choses que nous avons héritées. Beaucoup d'héritages que nous avons amenés, qui ont été des héritages, la manière dont le monde nous a façonnés, la culture, l'environnement, nos familles nous ont façonnés. Dieu commence d'abord à arracher ces choses pour ensuite commencer à planter et à bâtir. Et après cela, nous avons parlé du fait que Dieu va te prendre par la suite et va te placer sur le tour de la transformation. Le divin potier a un tour de la transformation où il place l'argile qu'il a purifiée. Et là maintenant, il va faire concourir des situations, des événements de foi positive, de foi négative, dans le but de te donner la forme. Et sur le tour de la transformation, nous avons vu que Dieu va permettre des problèmes, des difficultés, des épreuves, la souffrance au point même où tu peux avoir l'impression que Dieu est absent, que Dieu n'est pas là, tu souffres, tu te poses des questions. Et pendant que tu es en train de te poser des questions, de souffrir, tu es comme sur le tour de la transformation. Et là, Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de t'apprendre les choses, d'enlever l'immaturité pour que tu deviennes une personne mature à qui il va confier des grandes responsabilités, à qui Dieu va faire du bien. Le tour de la transformation, c'est un moment de troubles, de vertiges, on ne comprend rien. Mais on se dit, mais j'ai des promesses, j'ai la parole, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bien-aimés, on passe toujours par des moments difficiles, par des moments de souffrance. Dieu a toujours bâti ses enfants, a toujours béni ses enfants en les faisant passer par ce tour de la transformation. Du moment où tu as l'impression que tu tournes en rond, les choses n'avancent pas. On a parlé de l'histoire de Joseph, comment est-ce que Dieu l'avait pris de là. Sur le tour, Dieu l'a façonné et Dieu l'a élevé. Lorsqu'on sort de ce tour, on arrive à l'élévation. Hier, nous avons parlé de la dernière phase de la transformation où Dieu va cuire le vase qui a pris la forme. Dieu va amener la cuisson. Et cette cuisson, on a parlé, c'est l'image du feu. Dieu va mettre le feu. Dieu va allumer son feu. Et ce feu-là, ça a le but de te rendre solide, dur, pour que tu puisses résister face à l'opposition, que tu puisses résister face aux difficultés, aux problèmes, que tu deviennes un témoin efficace. Un potier, le divin potier, fera de toi une personne rigide, solide, capable d'affronter les épreuves, capable de résister. Car il n'y a qu'une personne forte qui peut résister face à l'opposition. Et si tu peux résister face à l'opposition, c'est que tu es en même temps capable de changer ton environnement. Car le changement commence chez soi, mais le changement ne reste pas chez toi. Cela se manifeste autour de nous. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlons sur le changement, la révélation qui amène le changement, ou encore le face-à-face avec Jésus-Christ. Je vous invite à prendre la Bible avec moi dans le livre de Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Matthieu 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Il dit ceci: Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme? Et il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Et regarde ton voisin, dis-lui le face-à-face avec Jésus. Oulala, c'est trop faible. Dis-lui le face-à-face avec Jésus. Amen. Alors là, Jésus est devenu envoyé par son Père avec une mission divine. Laquelle? Celle de sauver l'humanité, celle de préparer un peuple, celle d'apporter un changement. Jésus est venu pour apporter un changement dans un monde qui était hostile à Dieu. Jésus est venu apporter la lumière au milieu des ténèbres. Jésus est venu amener le fonctionnement d'un autre royaume, d'un système de notre royaume, dans un royaume qui marchait ou qui vivait à 100 à l'heure. N'est-ce pas que la Bible déclare que le peuple qui marchait dans le ténèbre a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car les gens vivaient dans le pays de ténèbres. Il dira, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Dans la terre, sur la terre, dans le système de ce monde, un système de ténèbres, le ténèbre a pris place, un système où le diable contrôle, un système où le péché devient la norme de vie, un système où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, un système où on ne se distinguait la gauche de la droite, un système de confusion. On ne sait pas qui est bon, ce qui est mauvais. Et c'était dans cet environnement que le Fils de Dieu a été envoyé. Il est venu comme la lumière, il est venu apporter un message, lequel? Le royaume de Dieu. Bien-aimé, la chose, le message qui peut amener le changement, la transformation, n'est rien d'autre que le message du royaume de Dieu. C'est pourquoi il disait, répentez-vous, abandonnez vos péchés et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lui-même était venu comme étant le roi de ce royaume. Rappelez-vous un jour, les disciples lui posent la question, plutôt les pharisiens lui posent la question, quand est-ce que viendra le royaume des cieux? Jésus va leur répondre, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là, voici le royaume est au milieu de vous. Donc lui-même est venu comme le représentant de ce royaume. Il est venu apporter le changement. Bien-aimé, si Jésus était seul, il a apporté le changement. Toi aussi, tu peux être seul et apporter le changement dans ton environnement. Il était seul, mais il a amené un message différent. Un message qui allait en contre-courant de ceux de sa génération. Un message différent, mais un message d'impact. Oh, que Dieu suscite un homme d'impact. Que Dieu suscite une femme d'impact. Que Dieu suscite une personne qui va amener la révolution. Oh, je suis venu déclarer à quelqu'un, nous sommes de la race des hommes et des femmes qui vont apporter la révolution dans ce temps. On dira des hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Oh, je vais bouleverser le monde. Regarde-moi bien. Regarde-moi deux fois. Regarde ton voisin. Dis-lui, regarde-moi deux fois. Oulala, dis-lui encore, regarde-moi deux fois. Tu ne me reconnaîtras plus après la COGEC. Ah, je dis à quelqu'un, tu ne me reconnaîtras plus après la COGEC. Tu ne me reconnaîtras plus parce que je vais apporter la révolution. Nous allons révolutionner les choses. Oh, c'est une parole prophétique pour la 8e édition de la COGEC. Je vous ai dit que le chiffre 8 est un chiffre de nouveau commencement. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. Après le 7e jour, le 8e jour, c'est le commencement d'un nouveau cycle. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, hier c'était le passé. Aujourd'hui, les choses nouvelles vont commencer. Car Jésus entre en action. Après la COGEC, nous parlons d'un divin potier. Jésus-Christ lui-même qui est capable de révolutionner. Ah, je vois des vies qui vont être révolutionnées. Ah, je vois des mariages qui vont être révolutionnés. Ah, je vois la nation qui va être révolutionnée. Quel message? Le royaume. royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Ce n'est pas de blablabla. Oh, il paraît que on a dit que... Non, non, ça c'est pas le royaume. Le royaume, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il est venu, il n'est pas venu seulement... Regardez, même les pharisiens ont dit quoi? Comment est-ce qu'il connaît les Écritures, lui qui n'a point étudié? Ça c'est un. Et comment est-ce que quand il parle, les démons même obéissent? Parce qu'il parlait avec autorité. Quand on n'a pas le royaume, on parle sans puissance. Mais quand le royaume arrive, on parle avec les autorités. Tu vas commander aux démons, les démons vont partir. Oh, je parle à quelqu'un. Lorsque tu rentres dans ce tard, dans ce phase de changement, parce que Jésus est venu amener le changement, tu ne vas pas seulement parler. Tes paroles ne seront pas sèches. Tes paroles seront accompagnées de la puissance de Dieu. Allant de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il était venu avec la sensibilité de l'esprit. Il connaissait le besoin de chacun. Jésus n'a jamais eu la même attitude, ou il n'a jamais fonctionné de la même manière avec tout le monde. Dans chaque cas, il opérait de manière différente. Il n'a pas guéri tous les aveugles de la même manière. Aux uns, il a imposé les mains, à d'autres, il a mis la boue, à d'autres, il a mis la salive. Il n'opère jamais de la même manière. Mais le problème, c'est que le résultat sera bon. Oh, je dis à quelqu'un, son résultat, après la cogèque, le résultat sera meilleur. Parce que le divin potier avait commencé à agir. Et les disciples étaient témoins. Tous les disciples, avec leur chef, Pierre. Pierre, en fait, il s'est lui-même impressionné. Et puis, je dirais, improvisé chef. Pourquoi? Parce qu'il se disait, je suis le plus âgé. Seigneur, j'ai la barbe. Eux, c'est le petit. Ils ont commencé à suivre Jésus. Jésus va à Bethesda. Ils sont à Bethesda. Il arrive à Capernaüm. Ils sont à Capernaüm. Ils vont où ça encore? À Nazareth. Il est là. À Bethléem. Il est là. Ils sont là. Partout. Ils étaient derrière et ils suivaient. Ils voyaient. Ils l'ont vu multiplier le pain. Ils l'ont vu chasser les démons. Ils l'ont vu faire tous ces miracles. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce que Jésus faisait, il voulait que ses disciples le fassent demain. Jésus dit quoi? Celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. Mais plus que ça, il en fera de plus grandes. Et ça, je ne sais pas si on lit bien la Bible. Il dit, celui qui croit en moi. Je vais poser la question ici. Qui croit en Jésus? Qui croit en Jésus aujourd'hui? Ok. Presque tout le monde. Il dit, si tu crois en moi, tu feras non seulement les œuvres que j'ai faites. Qui a déjà fait tout ce que Jésus a fait? Je n'ai pas entendu. Si c'est toi, dis-moi, dis pas nous, parce que c'est une affaire personnelle. Dis-moi, qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait les choses que Jésus a fait? Pasteur, silence, personne. Et c'est ça, le but du face-à-face. Personne n'a fait ce qu'il a fait. Alors qu'il a dit, si tu crois en moi, tu feras non seulement les choses que je fais, mais vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais vers mon Père. Alors, puisque les disciples le suivaient, il dit quoi? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Donc, la volonté de Dieu, que je ne sois pas seulement disciple, mais que je sois un disciple accompli, un disciple qui est passé par les mains du potier, un disciple qui a été travaillé, un disciple qui a été préparé, un disciple qui va recevoir la révélation de Dieu pour accomplir des choses. C'est pourquoi il arrive là, dans ce territoire de Césarée, de Philippe. Il s'arrête. Dis à ton ami, Jésus s'arrête. Dis-lui, Jésus s'arrête. Et j'aimerais te dire, dans cette cogèque, Jésus s'est arrêté. Ce dimanche, Jésus est arrêté ici. Ah non, tu ne m'entends pas. Ce dimanche, Jésus est arrêté. Il est arrêté. Il se tourne maintenant vers les disciples. Il leur pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Quelle question? Et c'est une question que les disciples ont facilement répondu parce que ils attendaient un peu ce que les gens disaient. Partout où ils passaient, ils avaient le feedback. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Oh, mais pourquoi ils disent que je suis Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était le prophète que Dieu avait envoyé juste pour préparer le chemin. Jean-Baptiste n'était pas le Messie. Du reste, il le dira lui-même, je ne suis pas le Messie, je ne suis qu'une voix qui dit, aplanissez la route pour le Notre Seigneur. Que toute montagne, que toute colline soit abaissée. Alors la gloire de Dieu sera révélée. Or, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de l'image du Dieu invisible. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle du reflet de sa gloire, de l'empreinte de la personne de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de Jésus-Christ. Parce qu'il est dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc la gloire qui sera révélée, c'est Christ. Mais il dit, mais Jean-Baptiste n'est pas le Christ. D'autres disent que tu es Élie. Pourquoi? Parce que certainement, comme Élie n'avait pas connu la mort, Dieu l'avait enlevé au ciel. Il avait fait des miracles extraordinaires. Donc, c'est Élie qui est revenu. C'est Élie qui a amené le feu du ciel. Il dira, non, je ne suis pas Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. Jérémie, le prophète de malheur, le prophète de lamentation. Parce qu'à un moment donné, ils ont entendu Jésus libérer toute une série de messages durs concernant à propos des religieux en disant « Malheur à vous, pharisiens, malheur à vous, scribes !» Donc, ils ont cru que Jésus était un prophète de malheur. Il dit « Je ne suis pas Jérémie. » Ou encore l'un des prophètes. C'est-à-dire, vous-même choisissez quel prophète. Si vous pensez c'est Jonas, mais j'aime Jésus. Jésus dit, ici, il y a plus que Jonas. Ici, il y a plus que Salomon. Si la reine de Séba pouvait quitter son pays pour venir jusqu'ici, pour venir jusqu'à Jérusalem, entendre la sagesse de Salomon, il dit, ici, il y a plus que Salomon. Je m'arrête un peu là. Bien-aimé, tout ce que tu connais de l'homme au plus haut niveau, avec Jésus, c'est toujours au-delà. Plus que Salomon, plus que David. Je ne suis pas l'un des prophètes. Et il se tourne maintenant vers les disciples. Il les regarde. Et vous? Et vous? Et vous? Qui dites-vous que moi je suis? Vous me suivez? Oui, mais je suis qui? Qui suis-je? Je suis sûr qu'il y a eu un moment de silence où André commençait à demander à Barthélemy. Ce gars-là, c'est vraiment le suivant, mais il est qui? Barthélemy qui demande l'autre disciple, c'est qui? Aidez-moi un peu. Vous ne connaissez pas les noms des disciples? André, après André, il y a qui? Jacques. Après Jacques, il y a qui? Oh, là c'est l'école, on vérifie maintenant notre niveau. Les disciples de Jésus, après André, il y a qui? Oulala, Jean. Après Jean, il y a qui? Matthieu. Après Matthieu, il y a qui? Judas, oui, il était là aussi. Après Judas, il y a qui? Barthélemy. Eux tous là, ils se sont regardés. Chacun maintenant se jette la pierre. Tu sais, quand tu ne connais pas la réponse, tu fais semblant. Parce qu'il y a des gens, quand ils connaissent la réponse, ils sont pressés de répondre. Mais quand on n'a pas la réponse, ils tournent un peu. Il veut même dévier la conversation. Vrai ou faux? Non, répondez-moi vrai ou faux. Il y a des gens comme ça, spécialistes. Quand ils ne connaissent pas, ils dévient. Je suis sûr que Jean a dévié. Barthélemy a dévié. Et maintenant, tout le monde, les yeux étaient sur Pierre. Toi, tu te disais, tu es notre chef. Maintenant, réponds. C'est pourquoi, attention, quand tu es chef, il faut être équipé. Hein? Parce que si tu n'es pas équipé, c'est le chef qui a tout le poids. On regarde maintenant Pierre. On dit, mais Pierre, tu t'es prêt pour notre chef? Réponds maintenant. Je suis sûr que Pierre était là. Oh, Colo, Yesusunga, si je n'arrive pas à répondre ici, je vais échouer. Oh, mais j'aimerais dire à quelqu'un, entre les mains du divin potier, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il va t'aider à donner la réponse. Parce que la réponse que Pierre a donnée, ce n'était pas une réponse qui lui venait de lui-même. Il dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je vais revenir là-dessus. Et Jésus lui dira, ce ne sont pas la chair et le sang. C'est-à-dire, ce ne sont pas les hommes. La révélation de Jésus, on ne la reçoit pas dans une école. À l'époque, il y avait des écoles théologiques. L'école de Hillel, l'école de Shammai, les d'autres encore allaient se former au pied de Gamaliel. Mais ce n'est pas au pied de Gamaliel qu'on reçoit cette révélation. Sinon, Paul allait avoir la révélation. Ah, j'aimerais dire, la révélation ne vient pas au pied, la révélation ne vient pas des écoles, la révélation vient du ciel. L'école va te former, ça va t'équiper, ça va t'aider. Mais le rhéma, oh, le logos tu, mais le rhéma. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus n'est pas seulement logos, car la lettre tu, mais Jésus est rhéma. Jésus est la révélation. Il est la révélation du Dieu vivant. Il est la manifestation du Père. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tout a été créé par elle. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. Et la Bible dit, la parole a été faite chair. Oh, come on. Elle a été faite chair. Elle a été faite chair. Elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. J'aimerais te dire, Jésus est la parole révélée. Jésus est Dieu fait homme. Oh, quelqu'un me dira, comment est-ce que Dieu peut venir en homme? C'est un mystère. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, justifié par l'esprit, cru dans le monde, prêché aux nations, élevé dans la gloire. Alléluia! Alléluia! Alléluia! Ce ne sont pas les écoles. Ce matin, Saint-Esprit donne la révélation à quelqu'un. Le mot révélation veut dire ôter le voile. Qu'il enlève le voile qui t'empêche de voir. Pierre, Paul priait en disant, Père, illumine les yeux de leur cœur, qu'il vous donne la lumière sur qui il est. Beaucoup prient et adorent le Dieu de leurs frères, le Dieu de leur pasteur, le Dieu du prédicateur. Mais aujourd'hui, que ce ne soit plus le prédicateur qui t'annonce, mais que ce soit lui-même au travers de cette annonce qui vient de se révéler à toi. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on entend et ce qu'on voit. Il y a une différence entre ce qu'on t'a dit et ce que toi-même tu as expérimenté. Et Jésus voulait amener Pierre dans une phase d'expérimentation, dans une phase où il devait lui-même connaître. Il dira, tu es heureux, dis avec moi, tu es heureux. Pierre a dit, tu es le Christ. Le mot Christ veut dire oint, le Messie, celui qui devait venir et qui va. Celui qui avait été annoncé. Et là, voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu avec les hommes. Mais quand vous lisez la Bible, nulle part on l'a appelé Emmanuel. Pourquoi? Parce qu'il était réellement Dieu parmi les hommes. Pourquoi? Parce qu'il était réellement le Christ. Rappelez-vous ce jour-là. Lorsque Jésus-Christ était avec ses disciples dans le cortège de la vie, ils étaient en train de se diriger vers la ville de Naïn. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 7. La Bible dit qu'il y avait de l'autre côté une femme qui était veuve, qui avait perdu son enfant. Elle avait déjà perdu son mari. Et la voici, son fils unique meurt. Son espoir, son seul espoir, le seul qui pouvait l'aider dans sa vieillesse, il le perd. Alors qu'elle avait des larmes aux yeux, on a porté le cercueil, on allait enterrer le cercueil. On allait enterrer son enfant dans le cimetière. Je voudrais dire à quelqu'un, même quand les gens disent que c'est fini, même quand les gens disent que c'est fini, sache qu'avec Jésus, ce n'est pas fini. Le Messie dont il est question, il s'appelle la résurrection. Le Messie dont il est question, il s'appelle la vie. Tu dois juste le croiser sur ton chemin. Cette femme n'avait plus d'espoir, mais elle était sur le chemin. Elle était dans le cortège de la mort pour aller dans le cimetière. Mais attention, de l'autre côté, il y avait le prince de la vie avec le cortège de la vie. Je dirais aujourd'hui, il va y avoir rencontre de deux cortèges. Aujourd'hui, il va y avoir rencontre de la cortège, du cortège de la mort et le cortège de la vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Elle était là, elle pleurait. Mais quand il y a eu croisement, quand il y a eu rencontre, quand il y a eu face à face, oh, dans ce face à face, entre la mort et la mort domine toujours. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dans ce face à face, tu ne resteras pas tel que tu es venu. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ce face à face, dans ce congérable, dans cette congèque, tu ne resteras pas. J'ai dit, la mort ne va pas rester mort. Lui-même, il a dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie dans la victoire. Oh, j'aimerais te dire, là où il y a Jésus, il y a la victoire. La mort sera engloutie. Le chômage sera englouti. La difficulté sera engloutie. Le célibat sera englouti. Ah, la pauvreté sera engloutie. La misère sera engloutie. Les choses que tu n'avais pas seront englouties. Il va engloutir dans le face à face. Jésus arrive, il n'a pas touché l'enfant, mais il a touché le cercueil. Oh, il y a trop de choses. Il n'a pas touché l'enfant, mais il a touché le cercueil. En touchant le cercueil, la puissance a touché le cercueil et a touché l'enfant. Lorsqu'on a jeté un mort, alors qu'on fuyait la guerre, la Bible dit le mort est tombé, a touché les os d'Élisée. Les eaux ne peuvent pas donner là. En fait, Élisée avait l'onction, mais Géasi n'a pas reçu la double portion de l'onction d'Élisée. Donc, l'onction était contenue dans les eaux. Il fallait qu'un mort bénéficie. Le face-à-face fera que rien de ce que Dieu a prévu pour toi va aller au néant. C'est-à-dire toute l'énergie de Dieu pour te bénir. Oh, je suis venu te dire, Dieu va le faire. Oh, dis à ton ami, dis-lui, Dieu va le faire. Dis-lui encore, Dieu va le faire. Oh, alléluia. Face à face. Et Pierre maintenant il dit, tu es le Christ, celui qui est oint, le fils du Dieu vivant. Il lui dira, tu es heureux. Ce ne sont pas la chair et le sang. Tu es heureux. La révélation de Jésus nous donne le bonheur. Le bonheur ne vient pas des choses matérielles. Le bonheur ne vient pas, vous savez, il y a des choses que hier je n'avais pas. J'ai demandé tellement, le jour je l'aurai. Et quand je l'ai eu, j'ai compris que tout est vanité. Je me disais, le jour j'arriverai en Australie, je suis allé en Australie. Vanité. Le jour j'irai aux States. Viens avec moi, States. Parce que même quand tu dis ça, toi-même tu es en train de déjà de rêver un paradis. Mais quand j'arrive au state à New Jersey, j'ai vu des ghettos, je dis les jours où je veux me marier, ces jours-là, ils vont sentir. Ils vont sentir. Tu vas voir, le jour là, ça passe tellement vite et personne n'a rien senti. On est tous passés par là, frère. Ça n'apporte pas le bonheur. Oh, vraiment, si j'achète ce sac là, si j'achète ce costume là, le jour tu l'auras, un jour, deux jours, normal. Vrai ou faux? Répondez-moi, vrai ou faux? Dis avec moi, tout est vanité. Dis encore, tout est vanité. Mais le jour où tu vas avoir la révélation, ah non, il n'y a rien de plus sucré, il n'y a rien de plus beau. Ah non, j'aimerais dire à quelqu'un, la révélation de Jésus va bouleverser ta vie. Il dit, tu es le Christ, il dit, tu es heureux. Ah, je vois quelqu'un à l'arche heureux. Je vois quelqu'un heureuse parce qu'il a rencontré Jésus, parce qu'il a eu la révélation. Tu es heureux. Que personne ne te trompe pas. Que tu manges, que tu ne manges pas. Si tu as Jésus, tu es heureux. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent. Si tu as Jésus, tu es heureux. Que tu voyages, que tu ne voyages pas. Si tu as Jésus, ah, je parle à une génération des hommes et des femmes heureuses. Des hommes et des femmes heureuses. Alléluia. Et puis, une fois qu'il a eu la révélation, directement Jésus change son nom. Bien aimé, le nom est très prophétique. Nous tous ici, nous portons un nom. Mais dans le cœur de Dieu, dans la révélation de Dieu, nous avons tous un nom nouveau. Lisez ça l'Apocalypse. À celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Quel est le nom que Dieu t'appelle? Tes parents t'ont appelé Mampassi. Tes parents t'ont appelé misère. Tes parents t'ont appelé difficulté. Mais quand tu viens à Jésus, lui te donne un autre nom. En fait, c'est le nom que le potier a déjà réfléchi pour toi. Il a dit non, tes parents t'ont donné Simon, fils de Jonas, roseau, quelqu'un qui est stable. Mais moi maintenant, parce que tu as eu le face à face avec moi, je te dis maintenant, je suis venu dire à quelqu'un, Jésus te dit maintenant, Jésus change ton identité, Jésus change ta vie, il change ton identité. Tu es Pierre, oh tu es le roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oh j'aimerais dire l'église, avant que l'église ne soit ce rassemblement, tu es d'abord l'église, la pierre vivante, tu es l'église. L'église ce sont des pierres vivantes, ce sont des hommes et des femmes que Jésus viendra enlever, c'est toi l'église. Il dit je bâtirai mon église, je bâtirai mon fils, je bâtirai ma fille et les portes du séjour de mort. Oh, le, oh ma tante, oh mon tonton, oh cet occultiste là, oh ce chef là qui veut que je quitte ici. La Bible dit les portes, oh my God, dis avec moi les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Pourquoi les portes ne prévaudront pas contre elle? Parce que la mort a toujours régné depuis Adam. La mort et le séjour de mort ont toujours régné. Mais la Bible dit quand Jésus est mort et ressuscité, la Bible dit voici celui qui était mort et qui est revenu à la vie et qui tient maintenant les clés. Les clés de la mort et du séjour de mort. C'est-à-dire quand tu as Jésus, tu as déjà les clés de la mort et du séjour. C'est-à-dire, tu as celui qui a le pouvoir sur la mort. Je suis venu te dire, tu ne mourras pas avant le temps. Si tu meurs avant le temps, on viendra te ressusciter comme t'habitat. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Nous refusons, nous n'allons pas enterrer les gens avant le temps. Nous allons tous mourir, c'est vrai. Mais moi je dis comme Moïse, je mourrai selon l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui donne l'ordre et dit, maintenant mon fils, tu m'as servi comme Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, tu ne mourras pas avant de dire désormais. Tu ne mourras pas sans avoir touché ce que Dieu t'a promis. Je te dis, tu ne mourras pas et tu vivras. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Il change son identité. Il lui donne la victoire sur la mort. Autre chose, il lui dit maintenant, je te donnerai les clés du royaume. Dis avec moi, j'ai les clés du royaume. Il dit, ce que tu ouvriras, tu liras sur la terre, au ciel sera lié. Ce que tu déliras ici, au ciel. Donc on n'a pas dit, sois là pour subir, sois là pour faire subir. Je reprends. Dieu ne dit pas, sois là pour subir. Les chrétiens aujourd'hui sont les champions de comment on dit ça, subissement. J'invente mon mot. Ils sont que des victimes. Les chrétiens ne sont que des victimes. Ah, pasteur, quand je dors, je vois des, même les coqs me suivent, même les poules me suivent, même la victime. J'ai dit, quand tu as les clés, tu vas dire, vous m'avez trop suivi, maintenant c'est moi qui vais vous suivre. Non, tu ne m'as pas bien compris. Toi qui es là, pasteur dans mes rêves, je vois des crocodiles, je fuis. La Bible dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, il te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront devant toi par un chemin, mais ils s'enfuiront. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui en étais attaqué hier, maintenant tu te retournes. Ah, je vois un enfant de Dieu, parce qu'il a la clé, parce qu'il a la révélation, il se retourne. Il dit, je ne veux plus subir, je ne veux plus subir, c'est moi qui vais faire subir. Ah, lorsqu'on a les clés, on a l'instrument pour ouvrir. Tu as entre tes mains le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le puissant, la puissance que Dieu a mis entre tes mains pour faire subir les choses. Tu ne m'as pas encore bien compris. Il dit ceci, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Donc toutes les prières que tu fais depuis que tu es converti jusqu'à maintenant, là, tu n'as jamais demandé. J'entendais quelqu'un qui allait dire amen. C'est aujourd'hui le face à face qui va faire que tu vas demander. Ah, je disais à quelqu'un, demandez afin que votre joie soit. Ah, tu vas rentrer aujourd'hui avec la joie. Personne ne va comprendre. Tu étais venu au culte à Baptiste, mais tu rentres. Ah, la joie du Seigneur sera notre force. Ah. Essuie un peu tes larmes, comme ça. Projet de la transformation entre les mains du divin potier. Ah, c'est fini les larmes. C'est fini. Quand tu vas demain déjà lundi, fais ton CV, va à l'entreprise. Tu dis, on va m'embaucher ici. Toi-même choisis ton entreprise. Toi-même choisis ton poste. Toi-même choisis ton salaire. Ah, je n'ai pas entendu toi-même. Va à l'ambassade, tu dis, j'ai envie de commencer les affaires. Renseigne-toi déjà, c'est combien le visa pour Dubaï. Renseigne-toi déjà, le billet d'avion, c'est combien. Parce que je vois Dieu. Alléluia! Entre les mains du divin potier, le face-à-face va changer ta vie. Bien-aimé, ce que je dis est vrai. J'étais à Kinshasa, j'ai pleuré, quand Dieu m'a appelé, j'étais à l'arche, je l'ai dit ici. Nos aînés, le pasteur, nous ont prêché la parole de Dieu. Mais quand je regardais l'avion, je disais, moi, je vais être pilote, je vais voyager le monde entier. Moi, je serai chirurgien, je serai cardiologue. Mais Dieu m'a empêché d'être ça. Mais il a dit, ok, tu n'as pas été cardiologue selon les médecins, mais je te fais cardiologue spirituel pour guérir le cœur brisé. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Non seulement tu deviens cardiologue, je t'accorde aussi la grâce, non d'être pilote, mais d'être piloté, d'être conduit. Donc tu vas voyager des nations. Et aujourd'hui, j'ai déjà fait plus de 55 pays, tous les continents. Oh, il y a des petits pilotes ici qui ne font que Kinshasa Goma. Mais moi je fais, j'ai sillonné. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, le face à face va changer les choses. Dis à ton ami face à face. Dis-lui face à face. Avec Jésus, j'ai la clé. Avec la clé, dis avec moi, avec la clé, j'ouvre la porte de ma bénédiction. Avec la clé, j'ouvre la porte des trésors du ciel. Avec la clé, je ferme la porte à Satan. Ah, je ferme la porte au péché. Ah, je ferme la porte aux sorciers. Aucun sorcier ne va me toucher. Oh. Aucun sorcier ne va me toucher. Oh. Aucun sorcier ne va me toucher. Oh. Aucun sorcier ne va me toucher. La clé. Alléluia. J'ai la clé. Fini. C'est ça la clôture de la COGEC. C'est la clé. La clé fait de toi un missionnaire. La clé fait que là où tu es, ta maison devient une maison de prière. La clé devient que tu dois gagner ton quartier. Tous les gens de ce quartier ici vont commencer à venir prier chez moi. Je vois déjà des extensions de l'arche dans tous les secteurs. Ah, c'est ça la clé. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. La clé fait que. Dis avec moi la clé. Quand tu as la clé, tu marches avec assurance. Ce n'est pas la fierté, mais c'est l'assurance. Quelqu'un qui a l'assurance marche comme ça. Hier, je marchais tête baissée. Quand tu sors d'ici, est-ce que j'ai pas compris? Vous savez, l'humour. Avant que je ne devienne prédicateur, quand je savais que j'étais appelé à prêcher, j'ai médité la parole, j'avais retenu la Bible. Vous savez, mon camp d'entraînement, c'était quoi? C'était les chaises vides à la maison. J'attendais quand tout le monde sort de la maison, part au travail, à l'école, moi je prêche les chaises. Je prêche les chaises. Je prêche les chaises. Au fait, c'est un camp d'entraînement parce que la clé, comment déjà l'exercer dans les vides quand il n'y a rien? Oh, dans le vide là, ça préparait déjà Goma en 2018. Donc, donne-moi ton sac. Aujourd'hui, tu n'as rien. Mais achète-toi déjà un sac. Vois-toi déjà, patron. La clé. Mais frère, ce sac-là, ça coûte cher. Tu n'as rien. Tu es piéton. Dis, je suis Joe Ballard. je suis venu te dire, dans le secret, c'est dans le secret que David a tué le lion, qu'il a tué l'ours, parce que ça l'attendait, Goliath l'attendait. Oh, je dis dans le secret, là où il n'y a rien, commence déjà. Ah, je vois quelqu'un qui va déjà commencer à vivre. Ah, la situation va changer. La clé, la clé. Dis avec moi la clé. Dis encore la clé. Lève ta main comme ça, tu dis, j'ai la clé pour ouvrir ce que Dieu a prévu pour moi. Et fermer ce que Satan et les hommes ont prévu. Que Dieu te bénisse abondamment. Je croyais que tu allais acclamer mieux que ça. Je croyais que tu allais acclamer mieux que ça. Est-ce qu'il y a des assois? Est-ce qu'il y a des assoises qui ont la clé? Ah! Si tu as la clé, commence à acclamer. Pendant que tu acclames, le mur de Jéricho tombe. Pendant que tu acclames, la porte s'ouvre. Pendant que tu acclames, Dieu agit. Pendant que tu acclames, la puissance de Dieu est en œuvre. J'ai la clé. Alléluia. Alléluia. Si tu sens qu'il faut continuer, continue à l'acclamer. Si tu veux pousser le cri de joie, continue à pousser le cri de joie. Nous avons la clé. Alors Dieu a donné la clé. La clé qui ouvre et la clé qui ferme. Nous ouvrons de nouvelles portes. Nous ouvrons de nouvelles destinées. Nous ouvrons de nouvelles grâces. Renamashandarabasheka. Horabashandarabasheka. Hekarabashanda. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Aucun monde est confession. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Lève tes mains. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus grand que tous les noms. Plus grand que tous les noms. Alpha. Chacun va prier. Tu vas faire l'exercice avec tes clés.